À l'école, scène 4, dans la bibliothèque. N'oubliez pas, tout le monde, que vous êtes ici pour travailler en silence. Je suis ici pour vous aider si vous avez besoin d'aide. D'accord, Madame Lepage. Nous travaillons sur une biographie pour Monsieur le Duc. Est-ce que vous pouvez suggérer un bon livre de référence? Pourquoi un livre, Lucie? Nous pouvons faire une recherche sur Google ou Yahoo pour trouver des renseignements. Mais non, Luc. Tu sais bien qu'on n'a pas la permission d'utiliser des moteurs de recherche pour faire nos devoirs. C'est incroyable. Aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus de vrais livres. Lucie, je peux vous recommander des livres sur le sujet. Madame Lepage part chercher des livres de référence. Hé! Hey, Lucie, ça va plus vite si on fait nos recherches à l'ordi, non? Monsieur le Duc ne le saura pas. Non, mais ce n'est pas honnête. Et moi, j'aime lire des livres. Je suis démodée, je suppose. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas ta tablette? Pour moi, il y a beaucoup moins de risques que j'oublie ma tablette à la maison que mes livres.